Mais c'est du toque. Alors si quoi, toi, banako binga moko na moko, ba fioti fioti, ba koyako se présenter. Au numéro 1. Le quoi maman la dédé.